Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 2 aux questions de l'agence télégraphique centrale de Corée contre les États-Unis qui mettent en cause de nouveau notre pays au sujet du problème de trafic humain. En voici le résumé. Le 30 juin, les États-Unis ont présenté des données frauduleuses de toutes sortes dans le rapport sur le trafic humain 2016 pour porter atteinte de nouveau au prestige de la République populaire démocratique de Corée. La démarche des États-Unis, pire violateur des droits de l'homme, auteur de source du trafic humain, est une absurdité et l'expression intensive de la politique d'hostilité envers notre pays. Les États-Unis sont le tombe-droit des droits de l'homme où règnent les violations des droits de l'homme terrifiant les gens du monde. C'est vraiment ridicule qu'un tel pays porte à la bouche un certain problème de trafic humain. Au dévoilement au fil des jours de la défaite de leur politique d'hostilité contre la Corée, les États-Unis s'affairent à inventer de tels dossiers imaginaires avec l'ambition de détourner ailleurs l'attention internationale par méthode de ternir l'image de notre République et de détruire notre régime. Plus les États-Unis dévoilent leur tentative de nous faire échouer, plus nous adhérerons à la ligne de promotion simultanée de l'éducation économique et des armements nucléaires pour renforcer toujours la dissuasion nucléaire autodéfensive sur les plans qualitatifs et quantitatifs. Les États-Unis doivent bien voir le changement de notre position stratégique et le courant de l'époque et nous traiter de manière nouvelle sans le concept hostile infantile.